le peintre Rembrandt, prince des ténèbres, parfum Brentano. On s'accorde aujourd'hui à considérer Rembrandt comme le plus grand peintre que le monde ait connu. La magie de la lumière répandue dans ses tableaux est enchanteresse. C'est un soleil divin, qu'aime briller dans son génie, car vous le chercheriez en vain dans les jeux de la nature. Ce titre, prince des ténèbres, lui a été donné par ses contemporains et à propos de son œuvre la plus célèbre, la fameuse Ronde de nuit. Rembrandt naquit en Hollande, à Leyde, le 15 juillet 1606, sur les bords du Rhin. Son père était meunier et sa mère fille d'un boulanger. La Hollande sortait de ses grandes luttes contre l'Espagne pour son indépendance et allait entrer dans une ère de prospérité admirable, singulièrement favorable aux arts. Le moulin paternel se dressait sur les bords du Rhin, proche de son embouchure et de cet emplacement, était appelé Van Rijsuy, c'est-à-dire du Rhin, désignation qui devint le nom de famille de notre artiste, car Rembrandt était son prénom. Enfant de 10 ou 12 ans, le petit Rembrandt se lia d'amitié avec le fils d'un brodeur du voisinage, nommé Jean Liévins. Ce dernier avait de grandes dispositions pour le dessin et trouvait son plaisir à crayonner, du matin au soir, dans l'atelier paternel, où des figures de rêve naissaient du métier du brodeur, parmi les fleurs et les verdures décoratives. Aussi, l'atelier Liévins devint-il pour l'enfant du meunier un lieu de délices où se forma sa vocation. Rembrandt et Liévins apprirent de compagnie le métier de peintre, qui était alors un métier véritable, soumis à toute la réglementation des corporations ouvrières. La ville de Leyde possédait quelques artistes de valeur, et à la foire annuelle, les deux jeunes gens, Rembrandt et Liévins, vendaient pour quelques stuivers, nous dirions pour quelques sous, les gravures sorties de leur presse, en une petite baraque en plein vent, semblable à celle que nous voyons sur les boulevards à l'approche de Noël et du jour de l'an. Un tableau que les jeunes artistes firent en collaboration, la présentation du temple, aujourd'hui conservé au musée de La Haye, attira sur eux l'attention des connaisseurs. Liévins fut appelé à la cour du roi d'Angleterre, et Rembrandt fut mandé à Amsterdam pour une commande importante, la célèbre leçon d'anatomie, également conservée aujourd'hui au musée de La Haye. Cette leçon d'anatomie peinte par Rembrandt à 26 ans se composait en réalité d'une série de portraits groupés autour du professeur de chirurgie Nicolas Tulp, faisant une démonstration à ses élèves sur le cadavre d'un supplicié. Le succès en fut prodigieux. Tout le monde, disent les contemporains, voulait avoir des portraits ou des tableaux à la façon de Rembrandt. Nombreuses furent les personnalités qui vinrent poser devant le chevalet de l'artiste et entre autres une jeune et charmante frisonne, on veut dire originaire du pays de Frise, Saskia van Willenburg. Willenburg se traduirait en français par le château au hibou. Elle appartenait à une famille noble et riche. Son père, conseiller à la cour de Frise, avait assisté au dernier moment de Guillaume le Taciturne, assassiné par Gérard le Bourguignon. Le modèle s'éprit de son peintre et le peintre de son modèle, si bien qu'ils devinrent mari et femme le 26 juin 1634. Le fils du meunier de Leyde épousait une jeune fille charmante, d'une des plus belles familles du pays, et qui lui apportait en dot 40 000 florins, près d'un million de francs d'aujourd'hui. Rembrandt et Saskia firent très bon ménage. Ils s'aimaient beaucoup. Le peintre a immortalisé les traits de sa femme en 10 chefs-d'œuvre. Le ménage était dans une large aisance. Rembrandt, au milieu d'une réputation grandissante, gagnait beaucoup d'argent, quand tout à coup, dans la vie de notre artiste, le ciel s'obscurcit pour tourner rapidement au plus affreux orage. Rembrandt travaillait dans la solitude. Il était d'un abord farouche. Il peignait et gravait en grand mystère, avec des procédés qui n'appartenaient qu'à lui. C'était, tout autour de lui, un arsenal d'outils bizarres, de brosses singulières, de burins et de calames inconnus, de chiffons et de petits tampons imbibés d'essences mystérieuses pour les frottis, de vernis aux reflets étranges, et dont la senteur vous prenait à la gorge quand on entrait. Sale, le plus souvent, sa longue blouse noire, la culotte même zébrée de couleurs diverses, car de l'ardeur du travail, il y essuyait ses brosses pour plus de commodité. On eût dit un alchimiste. Au reste, il fréquentait des personnages aux allures suspectes et qui ne disaient rien de bon aux bourgeois rangés, paisibles et ordonnés, qui composaient la société d'Amsterdam. Ajoutez que l'intérieur même de Rembrandt apparaissait comme un taudis d'antiquaire. Tableaux, gravures, vieux meubles, glaces vénitiennes, bibelots de toutes sortes et quelques-uns des plus singuliers, armures ciselées et damasquinées, velours et brocart, cuir d'Orient et de Cordoue, animaux empaillés, pierres brillantes, coquillages aux formes tarabiscotées, le tout en désordre et rempli de poussière. Dans l'acquisition de ce bric-à-brac formidable, mêlé d'œuvres d'art précieuses et de merveilleux tableaux, Rembrandt dépensait des sommes considérables. D'autre part, l'artiste avait la manie de la spéculation, des spéculations les plus compliquées et les plus aventureuses, comme notre grand Balzac, avec lequel il a eu d'ailleurs bien des rapports. Rembrandt va jusqu'à équiper des vaisseaux qui font le commerce des mers. La famille de Saskia commence par lui faire des procès, lui reprochant de dilapider la dot de sa femme. Rembrandt, habile à peindre, est inhabile aux finesses du palais. Des quatre enfants que lui donna sa jeune femme, les trois premiers meurent l'un après l'autre. Seul le dernier, un garçon, Titus, survit. Encore sa santé est-elle délicate. Enfin, le 19 juin 1647, Saskia elle-même descend dans la tombe. Elle avait à peine 30 ans. Rembrandt perdait sa femme chérie, qui avait été le rayon de son foyer. Il la perdait l'année même où il produisait sa fameuse Ronde de nuit, son œuvre la plus célèbre, la plus importante, la plus intéressante sans aucun doute. Mais autant les leçons d'anatomie avaient eu du succès, autant la Ronde de nuit suscita de critiques et d'attaques violentes. « Prince des ténèbres », l'appelait-on, dans un esprit de dénigrement. Pour critiquer et sa vie bizarre, cachée, mystérieuse, et les ombres de ses tableaux, sombres et profondes, dont la lumière jaillissait comme d'une région inconnue. La compagnie des arquebusiers qui avait fait la commande et son jeune capitaine Banningcock firent entendre les protestations les plus vives, et par un de ces revirements auxquels la faveur du public n'est que trop sujette, elle se détourna de l'artiste, encensé jusqu'à ce jour, pour faire place au dénigrement, au dédain, à l'abandon. Rembrandt a choisi pour nourrice à son petit garçon une certaine Gertke Direx, une demi-folle, qui se répandra sur son maître en calomnie perfide, dans la vue de se faire épouser, ce qui produira un nouveau procès, dont Rembrandt sortira, il est vrai, à son honneur. Au cours du procès, on avait entendu la déposition d'une jeune paysanne de 22 ans, Henriette Stoffels. Elle deviendra la compagne de Rembrandt et lui sera une femme dévouée, bonne et aimante. À Titus, elle servira de seconde mère. Rembrandt reproduira sous les aspects les plus divers la douce et bonne expression de son regard, le charme de son tranquille sourire. Nous arrivons ainsi à l'année 1656, date terrible dans la vie du grand artiste. Les navires que Rembrandt avait frétés sont pris par les corsaires. Ses créanciers l'acculent à la faillite. En pleine rue, devant une porte d'auberge, tout ce que Rembrandt possède de précieux, les œuvres d'art, les tableaux, les estampes, les meubles de valeur sont mis à l'encan et ses propres œuvres. Le tout est enlevé à vil prix et ne couvre pas la moitié de la créance. La maison même où il demeure est vendue. Rembrandt, chassé de chez lui, cherche asile d'auberge en auberge. Il est pauvre, il est l'être pitoyable sur lequel s'acharne la société. Mais, dans la déroute, l'artiste de génie se retrouve tout entier. Il n'a plus d'autre modèle que Henriette et Titus et lui-même. Il est dans la misère, dans le dénuement, mais sous son pinceau, Henriette, Titus et lui-même se partent d'un tour resplendissant. Henriette devient une princesse des pays fabuleux. Titus, un jeune seigneur couvert d'or et de brocart, lui-même apparaît en prince, en boyard ou en roi. Et le vide se fait de plus en plus grand autour de lui. Rubens vient en Hollande. Il tient à rendre visite à tous ses confrères, les peintres hollandais. Il n'en néglige qu'un, le plus grand, un peintre beaucoup plus grand que lui-même. Il ne néglige que Rembrandt. Et voici qu'Henriette meurt en 1663. Titus, qui, sous la direction de son père, promettait de devenir un peintre de talent, meurt en 1668. Rembrandt reste seul en tête-à-tête avec son génie, indomptable, indompté, car il peint toujours et d'un pinceau de plus en plus puissant. N'ayant plus de modèle, il se peint lui-même, ridé, attristé, désenchanté, avec ses grands yeux profonds qui vous regardent jusqu'au cœur. Enfin, le pauvre grand homme meurt lui-même le 8 octobre 1669 à 63 ans. Un inventaire dressé à son décès constate que Rembrandt von Rigieu, peintre sur le Rosengracht, le canal rose, ne laisse rien qui lui appartienne, sauf ses vêtements de laine et de toile et ses instruments de travail. L'œuvre de Rembrandt est immense. Il n'en est pas qui puisse lui être comparé. Plus de 600 tableaux, plus de 1500 dessins, de 175 eaux-fortes. De lui date la peinture moderne. Il est le véritable créateur de la gravure à l'eau-forte telle qu'on la pratique aujourd'hui. Nous ne dirons pas que les œuvres du grand artiste qui mourut dans la misère se couvrent d'or, car il y faudrait des superpositions de pièces d'or pour réaliser les sommes où ils sont poussés dans les ventes publiques. Et, comme ses tableaux et ses estampes, la vie même du plus grand de tous les peintres nous apparaît comme un chef-d'œuvre, en une constante et indéfectible poussée vers le mieux. À travers tant d'épreuves, de soubresauts, d'angoisses et de secousses violentes, d'inconséquences aussi et de caprices d'enfants et d'infortunes parfois méritées, l'artiste n'a jamais laissé fléchir son rude effort vers l'idéal qu'il avait devant les yeux. D'année en année, sans arrêt, sans reflux, l'œuvre se déroule avec la puissance d'un grand fleuve, pour arriver à la fin de son cours en une ampleur, une magnificence et un calme comparables à ceux du Rhin immense, au bord duquel le peintre était né, qui lui avait donné son nom et qui terminait sa longue carrière en se perdant avec une majesté souveraine dans les flots de l'océan. Ainsi s'achève le peintre Rembrandt, prince des ténèbres, par Funk Brentano.